J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Zikactu et aujourd'hui on va parler évidemment actualité et actualité musicale. On commence tout de suite cette émission qui durera une heure et donc qui sera concentrée sur les sorties d'albums par Emily et Ogden. Emily et Ogden, c'est un drôle de duo entre une Canadienne de 24 ans et sa harpe. Et oui, sa harpe s'appelle Ogden. On écoute ça tout de suite, ça vient de sortir, l'album s'appelle... 10 000 ou 10,000, voilà si mon anglais est exact. On écoute tout de suite donc le titre Dream issu de l'album 10,000, c'est Emily et Ogden. Le titre s'appelait Dream, donc rêve, et c'est l'instrument parfait pour exprimer un rêve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, avant d'aller s'endormir, si vous n'êtes pas déjà endormi, ce sera parfait pour ce soir. Et avec cette voix, donc, c'est incroyable, la voix d'Emily, qui nous plonge parfaitement. Et j'ai encore oublié un instrument que vous avez peut-être entendu, peut-être reconnu, c'est le cor, qui est aussi un instrument magnifique. Vraiment, c'est un très beau titre, très épuré. Et l'album est très beau. Alors, les morceaux sont plus ou moins produits, et ce qui est plutôt chouette, parce que ça donne de la variété. Voilà, ça c'était un titre très épuré, mais vous retrouvez des titres beaucoup plus produits dans l'album. On continue avec un grand artiste qui est malheureusement décédé très jeune et qui a laissé qu'un seul album, c'est Jeff Buckley, qui est mort à l'âge de 30 ans après avoir laissé qu'un seul album en 94 qui s'appelle Grace et qui est un grand grand album de rock. Et donc, grande bonne nouvelle pour les amateurs de Jeff Buckley, un album posthume vient juste de sortir, donc le 11 mars. Et c'est un album, en fait, c'est essentiellement un live. Donc c'est des sessions qu'il a enregistrées en 93, juste avant que son album sorte, et où il y a pas mal de reprises. Et il y a une chanson exclusive qui s'appelle Dream of You and I, qui est un morceau donc exclusif de Jeff Buckley qui n'est jamais paru ailleurs. Et on l'écoute tout de suite. Based on some music that I heard in a dream. I saw in a dream. It's going to be called You and I. Ouch. Because that's what the people in the dream were singing. Like that, I heard that the people singing that in a dream. Yeah, and it was a dream where I was in an auditorium at a college, and everybody was congregated and singing the same words. And there was this like you know a bunch of this band on stage, and they were like you know sort of spacey Deadhead band, with like guys in their 20s, like a bunch of grunge guys, but kind of playing this other thing, not like what I'm playing here on guitar. And the people kept on beating out rhythms on drumsticks. Like this really great rhythm. It was in like 7/4, it was a really cool space jam. And what it was a song. I dreamed that the song was about this guy, or, you know, the person in the song is singing to his lover, supposedly, he's completely theirs. The lover has forbidden anybody to have contact with him. The lover has taken away his freedom, taken away his days and nights, taken away his dreams. Send away his friends, forbidden him to, you know, get close to his parents, all that stuff. And what it was an AIDS rally. And the song was about AIDS. or about something like that. So every time the refrain came around, people would say, "You and I, you and I, you and I," and they point to the sign that says, you know, like it said AIDS with a circle with a slash through it, and they go, "All for you," and they like point to the sign. So that was the dream. I woke up with it. Okay. Anyway, as long as you got that on tape, I'll remember that. Voilà, c'est des très belles pièces d'archives. C'est Jeff Buckley qui raconte un rêve qui raconte que il a entendu cette partie de guitare dans un rêve et qui explique tout le rêve avec des gens qui chantent You and I. Voilà, je vous aurais même fait un petit tour de chant. On continue avec un duo cette fois encore comme Emily et Ogden, mais cette fois c'est deux vraies personnes. Enfin, oui, c'est deux personnes, deux filles qui le duo s'appelle Beau, c'est deux New-Yorkaises et là encore on a une voix et un instrument finalement. Donc on a une chanteuse et une guitariste et elles sortent un album après avoir sorti un EP. Donc l'album s'appelle That Thing Reality. Mais on va quand même revenir en arrière et écouter un titre qui était sur l'EP qui me plaisait beaucoup, que je n'avais pas passé. Un titre qui s'appelle Karma. On écoute donc Karma du groupe Beau, B-E-A-U tout simplement. C'est en français mais c'est un groupe new-yorkais. Karma. Such a thing as karma, falling in your lap at the wrong time, when you're sitting alone, an empty pistol with a glass of the wrong wine, feeling shame like you never felt, you feel so drawn out, feeling like a horse with no lungs, can't even breathe, so how can you rest? Explain the reason of feeling. Is it in our bones? Camouflage it through life and readings. Feeling girl like never before. It feels so gripping. I never knew it would chase me down. What is life without sound? C'était donc Beau, le duo new-yorkais. On retourne en France avec un artiste qui se fait appeler Sage, tout simplement. Là encore, quatre lettres, facile à retenir. Sage qui sort un nouvel album. On avait parlé de... À mon avis, je vous avais fait écouter un titre, un des singles. Et vous pouvez retourner dans les archives pour vérifier. L'album s'appelle tout simplement Sage, lui aussi, donc rien à déclarer de particulier. On écoute le titre August in Paris. Alors, il faut savoir que Sage est un ancien membre du groupe Revolver. Voilà, ça c'est un groupe qui a quand même pas mal cartonné il y a les 4 ans, 5 ans, je ne sais plus exactement. Et donc le titre August in Paris est extrait de cet album qui vient de sortir, qui s'appelle aussi Sage. C'est parti pour Sage, August in Paris. The middle of August in Paris. No one's in town except the tourists. The perfect time to go out for a walk. Don't even need to talk. The streets are hot, the air is heavy. There's people making me feel lonely. I'm looking for a secret alley. A stranger's head behind a window. A scary look that hides a weirdo. I'm pretty sure that he's staring at me, but no one else can see. Summer nights, what should I do? This one bedroom flat seems empty. A little later there's a party. Now we're not symphony. Someone is digging underground there to understand what's happening in your head. C'était Sage avec le titre August in Paris, donc un artiste solo avec plein de claviers. J'avais eu l'occasion de le voir en première partie de Dodo, c'était très chouette. Et voilà, je pense que c'est un artiste à suivre. Moi j'aime beaucoup, son album est plutôt chouette et agréable à écouter. On reste en France avec une autre artiste française et on se rapproche du berceau de RDB. On va juste à côté finalement, on va à Valence avec une chanteuse qui s'appelle Anne Silla. Vous savez, la chanteuse qui aurait dû gagner The Voice l'année dernière. je vous en ai pas mal parlé. Bon, c'est peut-être une des rares fois de ma vie où je me suis passionné pour la télé-réalité, ou presque, enfin pour le télécrochet. Bref, n'en parlons plus, c'était une autre histoire. Donc on va parler d'Ancilla qui sort un EP, on écoutera ça tout de suite. Je profite quand même pour parler d'un autre groupe de Valence qui s'appelle Dionysos, dont on passera l'album en entier la semaine prochaine pour l'album du mois. Voilà, Dionysos sera l'album du mois la semaine prochaine avec l'album Vampire en pyjama. Ah, donc Dionysos, c'est un groupe de Valence aussi. Donc Ancilla, on écoute tout de suite le titre Le monde tourne sans toi. On retourne un peu du côté de la variété, ça change un peu, la variété plus plus. On écoute donc un extrait de son EP qui contient 3 titres, à mon avis, en attendant un album. C'est la maison de disques qui doit tâter un peu le terrain pour voir si les gens se rappellent encore d'elle. J'espère que oui. C'est parti pour Ancilla. Il faudrait que j'arrête de dire que je vais arrêter. Il faudrait que je permette au vide de venir m'habiter. Il faudrait que j'apprenne à compter combien de fois j'ai dit qu'il n'y avait plus rien. Et combien de fois je me suis menti. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue, plus je perds. Je voudrais tellement tomber par terre. Il faudrait que ta bouche ne sois pas mon unique raison et que beauté en touche ne sois pas ma seule réaction. Il faudrait que j'inonde de sombres couleurs tes souvenirs et que je dise à tout le monde que t'es plus là, mais je sais pas le dire. Il faudrait que je revienne quand je pars m'égarer dans tes draps et que je me souvienne avoir envie de toi. Il faudrait que je trace les routes que j'ai jamais osées. Il faudrait que j'efface toutes celles qu'on avait dessinées. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue, Ancilla, donc avec Le monde tourne sans toi. Je sais pas si je l'aurais passé si c'était pas elle. Si vraiment on m'avait sorti ce disque en me disant passe-le, je sais pas si je l'aurais fait. Bref, peu importe, c'est passé. N'en parlons plus, on verra si on reparle d'elle un peu plus tard. L'album devrait sortir normalement, donc en fait l'album est bien lancé. Alors c'est un peu curieux de sortir un EP un mois avant, mais si mes infos sont bonnes, l'album devrait sortir le 15 avril. Bon, pourquoi pas. Ce serait plus un single qu'un EP dans ces cas-là, enfin une espèce de toute façon, il n'y a que trois titres. Bref, on continue avec un groupe qui s'appelle The 1975. Alors, ça fait quoi, ça? 1975? Quelque chose comme ça. Décidément, qu'est-ce qu'on parle bien anglais aujourd'hui? On écoute donc ce groupe, dont je ne redirai pas le nom, et qui s'appelle... Donc le groupe, j'ai déjà dit le nom, je vais y arriver. Le titre s'appelle Love Me et c'est extrait d'un album qui vient de sortir et qui a un nom encore impossible. I like it when you sleep, for you are so beautiful, yet so unaware of it. Je traduis ça pendant qu'on l'écoute et je vous en parle après. C'était The 1975, je l'ai un peu bossé, avec le titre Love Me. Et donc, le titre de l'album, je vais essayer de vous le traduire. Alors là, par contre, ça sera un peu à la louche parce que c'est quand même pas mon métier. Je dirais que ça veut dire quelque chose comme « J'aime quand tu dors parce que t'es belle, parce que t'es pas au courant que t'es belle ». Moi, je dirais ça. Après, vous pouvez donner votre avis directement sur le site de rdbfm.com. Comme ça, ça fera un petit peu vivre les commentaires du site. Tiens, allez, soyons fous. On continue notre aventure avec un tout jeune artiste. Il a 18 ans, si mes calculs sont bons. Il s'appelle Declan McKenna. Il est anglais, mais il doit venir un peu de l'île d'à côté, a priori. Et il sort un album qui s'appelle Stains, après avoir sorti un EP qui avait secoué les internets. On écoute donc un extrait de son nouvel album. Ça s'appelle, enfin son premier album. Le titre s'appelle Brazil. Donc on écoute Declan McKenna. Duncan MacLeod, Declan McKenna, un jeune adolescent, post-adolescent, très très bon finalement. Moi je trouve que c'est très frais et j'aime beaucoup ce titre, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tous les cas, c'est un peu l'anti One Direction, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, il prouve qu'on peut bien avoir une voix de post-boutonneux et en faire quelque chose finalement de très audible. Moi j'aime beaucoup. On continue avec d'autres artistes. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Sachez que donc ce fameux Declan McKenna dont je parlais tout à l'heure est né en 98. En 98, il y avait aussi un titre qui commençait comme ça. Yo, rude boy, Jaguar Gargan, cool chain, lock the city, come back again, no man. SP1 from the truck. Every time I'm coming with Elkar, he come again with different size. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz Benz Benz gueule. Quand tu boites ton bon passe avant ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz Benz Benz gueule. Quand tu boites ton bon passe avant ding ding ding. Voilà, on écoute actuellement le Supreme NTM, donc un extrait de l'album qui s'appelle le Supreme NTM, sorti en 98. En 2011, cette chanson est devenue ça, avec la voix des Brigitte. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bon passe ça me rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bon passe ça me rend ding ding ding. Girl t'es sexy, viens voir Co City. Original ragaman dans la ville de Paris. Girl t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one bouge. Voilà, c'était donc Ma Benz, donc la reprise de Supreme NTM par Brigitte. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement pour vous introduire les deux personnages qui vont suivre, c'est-à-dire Kool Shen et Joey Starr, les deux MC du groupe Supreme NTM. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus en 2016? Il se trouve qu'ils ont un peu d'actu, et donc c'est l'occasion de parler un peu d'eux. Je préviens déjà tout le monde, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette émission, nous parlerons que de hip-hop. Si vous n'aimez pas, c'est le moment ou jamais de changer de station. Voilà, on va faire une petite session hip-hop, ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé. Donc, et puis là, il y a de l'actu, donc du côté de Kool Shen et Joey Starr. On commence tout de suite avec Kool Shen qui sort un album qui s'appelle Sur le fil du rasoir. Ça vient juste de sortir et on écoute le titre Debout, c'est Kool Shen. Le monde va mal mais on est debout. Construit dans la lutte, fils de combat, on est né pour. La vie m'a donné des coups, puis des cours. J'ai vite compris que vivre dans la haine, ça finit toujours par jouer des tours. Victime du contexte, les gens se replient, réflexe naturel humain. En ce moment c'est l'humeur, parler de paix cellulaire. Comme déclencher des bombes, des défis à l'état cellulaire. Va falloir rester debout face à l'adversité. Que tu sors d'un quartier bourge, tout droit d'une cité. Je plaide pour l'unité, les coudes serrés, la tête haute. Sur l'impunité, ouais faut garder le mort. Tant qu'il y a de l'espoir dans le regard des mômes. La gare de Saint-Denis à Marseille jusqu'au quartier nord. Faut lutter, faut pas plier. Faut pas céder au chant des sirènes, s'éparpiller. Ensemble on doit rester debout. Quoi qu'il arrive, on doit rester debout. Souder quoi qu'ils veuillent faire de nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ensemble on doit rester debout. Quoi qu'il arrive, rester debout. Quoi qu'ils veuillent faire de nous. Quoi qu'il arrive, rester deux. Quand ça se passe mal, faut bien qu'on trouve un bouc émissaire. Pour l'un c'est la France, pour l'autre c'est l'étranger qui sert. À qui la faute? C'est jamais moi, c'est l'autre, c'est le voisin. Celui qui prie pas comme moi, celui qui sape pas comme toi. Celui qui pense différemment, la peur de l'inconnu. C'est vrai que l'homme s'y fait rarement. Moi j'ai grandi dans la mixité. Je me suis fait en additionnant ce qui était censé nous diviser. On pourra pas faire autrement. Nos destins sont liés, c'est vivre ensemble. Continuer de s'incendier. Faut lutter, faut pas plier. Faut pas céder au chant des sirènes s'éparpiller. Unis comme Gianni, Jawad, Alex et Aaron. Unique comme l'amour dans les yeux de leur daronne. Je l'ai pas rêvé, je l'ai fou, j'y crois. On peut s'élever dans la paix, éviter de mélanger les histoires. Ensemble on doit rester debout. Quoi qu'il arrive, on doit rester debout. Souder quoi qu'ils veuillent faire de nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ensemble on doit rester debout. Quoi qu'il arrive, rester deux, rester deux. Souder quoi qu'ils veuillent faire de nous. Quoi qu'il arrive, on doit rester deux. pas fan des frontières, la terre c'est mon pays. Je suis chez moi partout dans le partage, jamais pour conquérir. Personne ne souhaite une fin tragique comme à Pompéi, englouti par une vague de haine. L'amour est mal entouré, les hommes ne naissent pas mauvais, ils le deviennent. À jamais vouloir finir deuxième, faut lutter, faut pas plier. Faut pas céder au chant des sirènes, c'est par pire. Toi, restez deux, restez deux, restez deux. Quoi qu'il a. Restez deux. Toi, restez deux. Voilà, vous écoutez actuellement Cool Chain avec donc le titre Debout. Donc il vient de sortir un nouvel album très hip-hop, finalement assez classique, mais c'est ça qui est bon aussi. Ça fait du bien de retrouver sa voix. C'est l'autre voix de NTM, je pense que vous la connaissez et que vous la reconnaîtrez immédiatement, c'est celle de Joey Star, qui vient de former un duo avec Natty et qui donc propose un nouveau groupe qui s'appelle Caribbean Dandy. Et ça, c'est sa voix. On écoute ça tout de suite. Dont la violence m'envoûte, m'envahit. Je sens la guerre en moi. Et nous sommes remis, comme à chaque fois nous sommes la vie, pour leur insuffler la mort. Nous sommes les légions, annonce l'armageddon. Nul ne fait face, ni même ne fait front. Tu viens guerroyer, mais je viens croiser le fer. D'autres ont cru, mais l'on su me faire fier. La foudre est mon sang, mon grand et mon rang. On me dit j'avoue, pas des bons, des saints. Je suis les gens, je dois craindre le pire. Ton sang ce soir va mourir. Sur le champ de bataille, c'est une danse sanglante. Barbale cuirassée, arme ennemi sur ma peau danse. Dans une main j'ai la guerre, dans l'autre le tonnerre. J'suis régime en 9-3, comme une série d'éclairs. J'arrive du ciel, ils périssent à la chaîne. Puisqu'une seule arme est toi, rester ce sera la mienne. Nati pour ma part, tu connais la suite. Ensemble ce soir, on va mourir. Fire Lynch, Kilimanjaro, Stone Love, Tony Mataron et la faucheuse Cartel, accompagnez-nous dans cette victoire. Dans ce monde, l'absolu est ma mire. Mes armes et mes actes, dans les gens vont s'inscrire. Mes lanciers bagarres, l'impérial taille dans l'art. Ma route courbillon, tiens où les dandards. Souviens-toi de mon clan, l'arme, ils l'oublieront. De Rome, j'suis César, Madrid et Dio. Couteau sur le passage, plante un drapeau. On récrit ton histoire, on laisse aucun apôtre. Voilà, vous écoutez actuellement Caribbean Dandy avec Joey Star et Natty, donc qui sont tous les deux origines des Caraïbes, c'est-à-dire de la Guadeloupe pour Natty et des Martiniques pour Joey Star, alias, je ne savais pas son vrai nom, en fait il s'appelle Didier Morville. Et oui, tout à fait, Joey Star s'appelle Didier Morville. On continue avec un rappeur américain qui s'appelle Kendrick Lamar et qui sort Untitled Unmastered. Et le titre, c'est Untitled numéro 02 du 23 juin 2014. Rien que ça, c'est parti. Pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, pimp, p sick and tired of being tired. Can't pick a side, the Gemini. Prophesize if we live or not. Promise mama not to fit them by. Seen black turning burgundy. Honey double, I know I'm greedy. Stuck inside the belly of the beast. Can't you please pray for me? Get God on the phone. Said it won't be long. I see jiggaboos. I see styrofoams. My hood going brazen. Where did we go wrong? I see jiggaboos. I see styrofoam. Get top on the phone. Tell the squad come on. We go ball again. Before he call us home. World is going brazen. Where did we go wrong? It's a tidal wave. It's a thunderdome. Get God on the phone. I just got a raise. I just got a raise. Spent it all on me. I spent it all on me. Diamonds all a praise. Diamonds all a praise. And I'm bossing up. And I'm bossing up. Bitch, get out the way. Bitch, get out the way. I'm the only way we can fornicate. Ah. Pimping and posing. Look what I drove in. Ah. Having these hoes in. I know that I'm chosen. Ah. I live out of cold and me and my bros in. My dollars ain't folding. You was never the homie. Hundred of them, I know I'm greedy. Stuck inside the belly of the beast. Can you please pray for me? Get God on the phone. Said it won't be long. I see jiggaboos. I see styrofoams. My hood going brazen. Where did we go wrong? I see jiggaboos. I see styrofoam. Get top on the phone. What's up, my nigga? Cornrow Kenny, he was born with a vision. All morning with the mixed dashboard, triple digit, parallel park like an alien came visit. Slide show for the night show, 10 bitches. Fine nose with a blindfold, King Kendrick. Hello, Billy. So many plays on me, I finesse. Palisade views with some sex. I lost a lot of love for missionary. This the first time, I confess. Me and Top is like a Kobe and Phil. A father figure, fuck with him, you get killed. Fuck with me and he'll kill you himself. PD either Mafia or the West. Moving silence, yeah, we juggling like that. Act of violence, yeah, we juggling like that. I did a lot of dumb shit in my past. Lord forgive me, hoping I don't relapse. Dave just bought a new 911. Almost thought I seen another plane crash. Q just bought a brand new McLaren. Rock a lock about to buy the projects. Spooks, I got his son dripping in gold. Ali about to let his hair down on hoes. Me, I'm about to let my hair down on hoes. Top billing, that's a million a show. Might blow the whole no whammy on soul. Might tell Obama be more like Punch. Soundwave caught a Grammy last year. Mac Wap, bet he do what he want. Fuck you niggas, level 2, I'm not done. 2 T's told me that I'm the one. I can put a rapper on life support. Guarantee that's something none of you want. 10 homies down and they all serving life. What it's like 2,500 a month. What if I empty my bank out and stunt? What if I certified all of these ones? Bitch, I get buck, I'm as real as they come. Shit is amazing, I'm feeding my cravings. You know that you want me, come here, not a baby. I'm fucking them crazy. Serving it like I belong in the basement. Or live at the daisy. Yeah, yeah, my relative, black cherry soda. Pistol in poverty, come get the note. Get top on the phone. Ben ça, c'est quand même du bon son. Il s'appelle Kendrick Lamar, il a 28 ans, il vient des US et c'est son 4e album. C'est un peu le successeur de Eminem en fait, avec un côté expérimental peut-être beaucoup plus prononcé que Eminem. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste excellent. On voit un peu ce qui se passe en France du coup, tant qu'à faire. Nous aussi on a des rappeurs. Et on n'a pas que Kool Shen et Joestar, on a aussi un rappeur qui s'appelle Grumz, dont on a peut-être déjà parlé. Ça doit remonter à quelques temps. En tous les cas, là, il sort un nouvel album qui s'appelle Green Peace, mais pas du tout écrit comme vous pouvez le penser. Je vous laisserai aller vérifier. Ça s'appelle Premier Café. C'est le deuxième titre de l'album, Grumz. Redescends de ton nuage. Vite. Frère, ton scooter, c'est pas un tapis volant. Enculé, réfléchis quand tu pars. Moi aussi, j'ai plein d'amis violents. Tu veux me tendre une embuscade. Tu crois que j'ai peur que le soir je suis tout frissonnant. Toujours la tête haute même dans le cul-de-sac. Frère, c'est pour ça que je suis le plus innovant. Un peuple qui regarde dans le Judas. Des oreilles avec des petits sifflotements. Mais leur vie est plein de trucages. Dans la nôtre on ne fait pas l'innocent. Poésie, verbe. Suis-je en thérapie devant un psy qui me soigne. poésie verbe. Suis-je en tétanie devant une bitch qui me parle? C'est là que je traverse les nuages. Alibaba et son tapis volant. Je suis le fruit de violence conjugale. Ces traces ne s'effacent pas au dissolvant. On cherche l'amour dans les grandes surfaces. On ne trouve que des tenues affriolantes. Recherche désespérément Suzanne. Combler un manque avec des produits dopants. Les deux doigts devant la cuvette et le lavabo. On vomit tous nos dérapages. Poucaf pour du cacao. Se refaire l'appart avec un putain d'écran extra plat. Poutre de Bamako. Tu voudrais que je baisse ta femme. Je prends des bombes, des caps dans le sac à dos. Trouver un mur qui donne sur une esplanade. Poésie, verbe, simple. Suis-je en thérapie devant un psy qui me soigne? Poésie, verbe. Suis-je en tétanie devant une bitch qui me parle? Poésie, verbe. Suis-je en thérapie devant un psy qui me soigne? Poésie, verbe. Suis-je en tétanie devant une bitch qui me parle? Premier café. Je me réveille. C'est le premier café. Comment? Je me réveille. C'est le premier café. Je me réveille. Hyperactivité. Juste mon premier café. Avant que je me vénère. Je me réveille. Je me réveille avant que je me vénère. Écoutez Grumps avec le titre Premier Café, avec sa voix du matin comme ça. Moi, en tous les cas, j'aimerais bien écrire des textes comme ça au réveil. Je trouve ça assez excellent. Il y a vraiment une ambiance, il y a un ton, et c'est vraiment quelque chose, voilà, quelque chose qui lui est propre à Grumps. On continue avec un. Je voulais vous parler un tout petit peu d'un groupe dont qu'on a déjà écouté. Ça s'appelle Die Antwoord. On en avait parlé il y a allez, peut-être 5-6 émissions. Allez, on écoute un peu. Ça c'est Die Antwoord, un groupe de sud, un groupe sud-africain. Voilà, c'est assez excellent. Je vous conseille vraiment d'écouter. Je l'ai déjà fait, mais je le redis. Et figurez-vous que je vous ai dégoté la version française de ce groupe, c'est-à-dire leur équivalent français. Et c'est même la version stéphanoise, pour être précis. Il s'appelle Schlass. C'est un duo aussi, et c'est tout aussi hardcore, voire pire, parce qu'en plus c'est en français. Donc cachez vos enfants, ou bouchez les oreilles. Ça s'appelle donc Schlass, le titre s'appelle Selfie. Et on écoute ça tout de suite, c'est des Stéphanois, et ça envoie du lourd. Comme un démon, à coups d'insultes et de cris, défonce les piteuses pétales. casse tasse. Religion féministe, trouve-moi en Charlie hors de sa place de femme. Trop dirty, trop fury, trop sexy, impoli. Jean-Yves te fist fuck, façon schlass. Défonce tes pensées, triquées de connasse aux idées coincées. Passe le message à ton sec, bébé. Si jamais tu persistes, sale petit intégriste, à sortir tes principes moraux aigris. C'est à coup de batte que la furie débattra du bien et du mal pour libérer ton idéal. Tes idées s'envoleront de ton crâne prison. Tu prendras dans le fion une Volvo, un camion. Et mon plaisir sera chouette de finir à la machette. Passe le message à ta sec fondamentaliste, bébé. C'était Schlass, ça c'est de la belle production stéphanoise, même de la Ricamari, je crois exactement. La Ric représente. Et ouais, c'est du lourd. Et du coup, si vous n'avez pas tout à fait suivi le texte, vous pouvez réécouter et comprendre qu'en fait, les musiciens, oui, on peut dire ça comme ça, se présentaient l'un l'autre. Et voilà, moi je trouve ça assez excellent en tout cas. L'album est complètement fou, alors vraiment à pas mettre entre toutes les oreilles, hein, c'est risqué. Mais ça s'appelle Schlass, S-C-H-L-2-A-3-S. Rien que ça. Et écoutez cette petite musique, ça doit vous dire quelque chose aussi. Attendez, ça va venir. Ah, ça marche pas. Et on est en direct, évidemment. Ah, ça y est, on l'entend. Et oui, ceci est le signal. Ce signal qui me fait penser que c'est l'heure. C'est bientôt l'heure de vous quitter et de vous souhaiter une bonne fin de soirée ou de journée, c'est selon. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette émission. J'espère que vous appréciez le hip-hop, parce qu'il y a plein de choses dans le hip-hop. Il y en a du français, il y en a de l'américain, il y en a qui vient même d'Afrique du Sud ou même de Saint-Étienne. En tous les cas, c'était un plaisir de présenter cette émission. J'espère que vous avez bien kiffé les oreilles et je vous dis à la semaine prochaine pour une spéciale Dionysos. À très bientôt.